c'est sur l'asphalte, accroché à cette même route. Si les neurones bouffés par la coque, l'alcool et le shit. Les rôdes à la street connaissent la suite. La plupart la chute comme leurs aînés. L'illicite comme mode de vie, si on ne parle pas de bonne conduite. Conduire sans permis sur deux roues ou quatre, comme si c'était permis. Parfois arrache la vie un gosse qui joue au foot trop près de la route. Avec ou sans témoin, ce sera délit de fuite. L'avenir qui s'en inquiète, réfléchir c'est trop prise de tête. Surtout quand le bénéfice n'est pas direct. Pensant que c'est peut-être préférable de continuer cette partie de cache-cache avec la BAC et les stupes. C'est ça la vie, mais que veux-tu? Voilà ce que les jeunes me répondent. Je flippe quand je pense qu'à leur âge j'aurais sûrement dit la même chose. Je flippe comme la plupart de mes gars qui ont déjà 30 piges, déjà un gosse, trop de sourcillés, plus droit à la folle. Nombreux sont ceux qui ont pour objectif la vie facile, fasciné par l'argent sale, les grosses berlines et le reste. Lassé de courir derrière stress, j'ai changé mon fusil d'épaule. Chroniqueur de l'illicite, juste un exemple parmi tant d'autres. C'est pour tous ceux qui ont pour objectif la vie facile, fasciné par l'argent sale, les grosses berlines et le reste. On n'a jamais rien sans rien, peu importe les séjours. Jour après jour, cette vie te bouffe, c'est garanti, c'est pas un rêve. L'influence du quartier sur les esprits des gosses est trop pesante. Dans les têtes, la voix du chétan est bien trop présente. L'effet de groupe fait des ravages, le nombre n'est plus une force mais une faiblesse. Quand tu ne fais rien de bon, la vie te blesse comme le regard des autres. Comme un coup de lame entre les côtes ou l'enterrement d'un proche. Une perquise à 6h du mat au tribunal, ça laissera la note. Juste un coup d'œil dans le rétroviseur et j'aperçois ce passé chaotique. Un parcours jonché d'erreurs et de remords. Triste romance à l'autre vie, trop fort degré d'inconscience qui enivre, qui attire les ennuis. Comme la pote du gang qui attise les esprits, la tease le soir sur le parking, la hantise des arnaques dans le bis. Car y'a pas de confiance donc pas d'amis, tu se fais beaucoup d'ennemis. Ce qui ramasse la monnaie tourne en merco, BM et Audi. Dans le tas, certains marchent avec la police à ce qu'on dit. Faut pas s'attendre à ce que les petits respectent les cons. Nombreux sont ceux qui ont pour objectif la vue facile, fasciné par l'argent sale, les grosses berlines et le reste. Lassé de courir derrière ce rêve, j'ai changé mon fusil d'épaule. Chroniqueur de l'illicite, juste un exemple parmi tant d'autres. C'est pour tous ceux qui ont pour objectif la vie facile, fasciné par l'argent sale, les grosses berlines et le reste. On n'a jamais rien sans rien, peu importe les séjours en temps, jour après jour, cette vie te bouffe, c'est garanti, c'est pas un rêve. Prose brutal, rien de bien nouveau, à part l'allure des caisses, année après année. Beaucoup d'ennuis, pas mal de stress et toujours autant de haine. Comme Tony et Manny, on a voulu croire en la vie de rêve. J'ai fini par comprendre qu'en fait c'est ça le plus grave. Le réveil est rude et souvent tardif, trop dur de se remettre en question, passer 30 piges. Mouillé dans une dizaine d'affaires, grillé pour une dizaine d'années. Le pire exemple pour les petits frères qui ont déjà pris la relève. Dans la rue, pas de story love, c'est le chétal au storyboard. Les pocaves mal derrière leur store pendant que leurs gosses font racket à l'école. Avec les nouvelles Nike, les jeunes des blocs ont fière allure. Autour du cou, chaîne en or, du matin au soir, chaîne les murs. Les meufs du Tchèque rêvent d'amour, certaines se font défoncer à la dure. Pour ensuite finir à l'hosto quand les grands frères apprennent la chose. Ou quand elles se retrouvent en scène d'un monde qui grandira sans père. Nombreux sont ceux qui ont pour objectif la vie facile, fasciné par l'argent sale, les grosses berlines et le reste. Lassé de courir derrière ce rêve, j'ai changé mon fusil d'épaule. Chroniqueur de l'illicite, juste un exemple parmi tant d'autres. C'est pour tous ceux qui ont pour objectif la vie facile, fasciné par l'argent sale, les grosses berlines et le reste. On n'a jamais rien sans rien, peu importe les séjours en tôle. Jour après jour, cette vie te bouffe, c'est garanti, c'est pas un rêve. Nombreux sont ceux qui ont pour objectif la vie facile, fasciné par l'argent sale, les grosses berlines et le reste. Lassé de courir derrière ce rêve, j'ai changé mon fusil d'épaule. Chroniqueur de l'illicite, juste un exemple parmi tant d'autres. C'est pour tous ceux qui ont pour objectif la vie facile, fasciné par l'argent sale, les grosses berlines et le reste. On n'a jamais rien sans rien, peu importe les séjours en tôle. Jour après jour, cette vie te bouffe, c'est garanti, c'est pas un rêve.